Ouais, je voulais parler un peu Gonzone, parce que moi, si tu veux, je suis un peu tu veux, toi. Moi, je fais tout, tu vois, je suis meilleur, toi. Faut absolument que je le montre, parce que tu vois, je suis un the best, quoi. J'ai un gros up, quoi. Je passe la route à bord de mon piquet, sur ça y'a pas de doute, faut que je ramène de la vitesse, c'est mal plus beau. À l'aide de mon cadet, prout, j'ai l'air d'un blaireau à rouler avec sur l'autoroute. Faisais la bonne grosse voiture pour sentir bien dans ma tête. Et avant d'avoir fait un lion, bah c'est tout ce qu'il est trouvé. Je me sens supérieur quand j'ai un bon carburateur. Et ça, ça coûte pas cher, mais j'ai de la thune à foutre en l'air. Parce que j'ai une fierté de vivre. Parce que mon zizi ne me sert qu'à faire pipi. Vas-y, mais putain, pourquoi tu parles comme ça là? Hein? Qu'est-ce que t'as à prouver là? Sérieux, tais-toi, tais-toi un peu. Ferme-la, tu vois. Ferme ta gueule, putain, ferme ta gueule, ferme ta gueule, putain, ferme ta gueule, ferme ta gueule.